Mes anges bleus. Mes anges charbonnières. Mes anges nonnettes. Mes anges boréales. arrive à 0,480 volts, donc 480 millivolts. Donc, et ça simplement sur 20 cm. Hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça c'est une petite expérience qui montre que la vie est plus que simplement de la chimie, c'est aussi l'électricité, du magnétisme. J'ai fait ingénieur agronome et là je me suis rendu compte que on apprenait surtout à utiliser des produits chimiques. En Belgique, on nous apprend après chaque pluie, on pulvérise avec des antifongiques, des produits chimiques. Et comme en Belgique, il peut parfois pleuvoir toutes les semaines, ça fait beaucoup de traitements. Donc du coup, je me suis intéressé à toutes les techniques alternatives. Et dont par exemple l'influence de la musique sur les plantes. Donc j'ai fait une expérience dans la serre de l'université de Gand, en Belgique, où j'ai stimulé certaines protéines qui stimulent la croissance avec certaines fréquences sonores. Donc avant le traitement, ces rosiers étaient vraiment malades et il avait toutes des feuilles comme ça, vraiment en très mauvais état, à moitié jaune, taché. Et après un mois, c'était comme ça. Ça c'est avant, disons, ah, c'est un peu extrême. Après un mois, donc c'était vraiment impressionnant. Ce sont des musiques très spéciales, c'est des sons, c'est des fréquences qui sont conçues en fonction des protéines et des gènes qu'on veut stimuler. C'est une sorte des ondes de résonance. Hein, ça va entrer en résonance avec ce processus de biosynthèse des protéines. Donc j'ai fait toute une étude bibliographique de tout ce qui existait dans le monde ou ce que j'ai trouvé sur l'influence de fréquences sonores sur les plantes. Et là, un jour, dans un article, j'ai lu que le son, ce n'est pas qu'une vibration mécanique, c'est aussi une onde électromagnétique. Il y a des aspects électromagnétiques dans la vibration du son. Et donc, du coup, j'ai fait ce mémoire de fin d'études. J'ai eu comme ça mon diplôme d'ingénieur agronome. Voilà. Et donc, après, je me suis aussi intéressé aux recherches de Lakowski. Ça va dans le même sens. Lui, il a écrit un livre, L'oscillation cellulaire. Et Lakowski, lui, part du principe que les cellules, c'est comme un circuit électronique. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, ben voilà, quand des cellules sont malades, ben, les fréquences, ça doit changer ou l'émission doit s'affaiblir. Je peux peut-être interagir en envoyant d'autres fréquences. Donc là, il a plusieurs pots avec des géraniums. Et il a inoculé ces géraniums avec une souche de cancer. Ils ont tous développé des cancers et après, autour d'un géranium, il a mis une antenne. Ça crée donc un champ magnétique autour et qui va interagir avec les fréquences de la plante. Et donc du coup, là, on voit que la plante, où il a mis l'antenne, ils guérissent. Et les autres, où il ne met pas l'antenne, ils ne guérissent pas, ils meurent. Et donc du coup, j'ai aussi expérimenté ça sur des plants de lilas, des arbustes, des différentes plantes. Et j'ai toujours eu des bons résultats. C'est quand même en France un des premiers pays où ils ont fait une recherche officielle, on pourrait dire, hein, une thèse sur l'influence de l'électricité ou de l'électroculture, on appelle ça. Moi, je prends comme ça au hasard les plantes électrocultivées, donc la menthe électrocultivée, ben, ils ont tous une teneur en huile essentielle beaucoup plus élevée. Par exemple, là, 1,5% le témoin, 2,5% le traité électrocultivé. Donc la plante est plus grande et tout, mais elle est aussi plus dense, elle a plus de matière active. En agriculture, on est resté encore toujours aux produits chimiques, produits. Et qu'on peut aussi utiliser les propriétés électriques et magnétiques. Donc là, ça c'est un gros aimant que j'ai enveloppé de cire d'abeille. Et après, j'ai créé une antenne aussi qui fait cette spire. Et donc l'idée là, c'est de capter les ondes qui nous entourent. Et par la construction de ce condensateur, d'amplifier ces ondes et de les filtrer aussi. D'améliorer les qualités par la cire d'abeille et le champ magnétique et le cuivre et de réémettre dans le champ. teaching a plant the alphabet. Teaching a plant, teaching a plant the alphabet. The scenario is elementary. The scenario is elementary. A small potted plant sits atop a stool. In the role of teacher, Baldessari holds up a series of children's alphabet cards in sequence, repeating each letter to the plant until he has completed the alphabet. Mingus, il meglio di Mingus. Mm-hmm. Thank you. Nesta tako cocktail andalouse riche, une tarte, des sauces poivres, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Nestar tartare cocktail andalouse riche, moutarde, ketchup, curry ketchup, sauce poivre, sauce mafia, samouraï américaine. Dans la chambre des rois de la pyramide, il y a une fréquence de résonance à 432 Hz. Et en musique, on parle d'accorder ces instruments de musique, par exemple, à 440 Hz ou 432 Hz ou d'autres diapasons. Et le 432 Hz, c'était un diapason qui était utilisé dans le temps de la musique baroque, justement. Et on retrouve ça carrément dans les résonances de la grande pyramide. Et aussi même dans la structure, il paraît que les pyramides étaient comme baignées dans un étang ou dans l'eau. Et au niveau de l'eau, la largeur de la pyramide fait exactement 432 coudées royales. Et quand on calcule des fréquences des résonances de l'eau avec des formules de physique quantique, hein, j'ai pas le temps d'approfondir, parce qu'approfondir, il faudrait donner un petit cours de physique, on va dire. Mais avec les formules d'Einstein et de Louis de Broglie, c'est aussi un qui a eu le prix Nobel au début du siècle. On peut calculer les fréquences des résonances. Et quand on prend des harmoniques de ces fréquences des résonances, donc c'est une harmonique, c'est quoi? C'est quand on divise toujours par deux une fréquence ou qu'on multiplie par deux, ben on arrive à des harmoniques. Ben on arrive aussi à une fréquence pour l'eau qui est à 432 Hz. Donc c'est pas par hasard, vous voyez. On retrouve plein de liens comme ça. Et le 432 Hz, ça je vais quand même vous faire écouter. Parce que ce qu'il y a de très spécial avec ça, c'est que quand on accorde la musique à 432 Hz, alors toutes les autres notes de musique, par exemple là vous voyez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, toutes les notes de musique, ils sont alors accordées à d'autres fréquences, mais qui sont tous des chiffres très symboliques qu'on retrouve dans les mythologies, dans les religions, dans la Bible, on retrouve ça partout. Par exemple, là, 288, bah, une harmonique de ça, quand on divise par 2, ça fait 144. On retrouve dans la Bible et à plusieurs endroits. 256 aussi est un chiffre important. 384 aussi. Ah, y a plein de chiffres comme ça qu'on retrouve pour leurs harmoniques. Donc, c'est pas par hasard. Je vais vous faire écouter parce qu'on le ressent vraiment la différence. Actuellement, toute la musique est accordée à 440 Hz. Donc, on baigne continuellement à la radio, à la télé, partout, avec des musiques accordées à 440 Hz. Et ça crée une sorte de, on va dire, une sorte de stress. Et on a tellement l'habitude qu'on trouve ça normal. Mais c'est un peu comme si on a l'habitude de manger une tomate industrielle et qu'après on a des tomates du jardin. Alors on dit, ah ben là, elle a plus de goût et tout. Et après la saison des tomates du jardin sont passées, après on doit racheter des tomates au supermarché. Et alors c'est difficile de retourner en arrière, hein, de manger des tomates industrielles qui n'ont pas de goût, hein, comparé aux tomates. Ben là, la différence entre les 440 Hz et les 432, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez? Donc ça, c'est le 440 Hz. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on prend le téléphone, par exemple. Et c'est comme ça que les guitaristes, ils accordent leur guitare aussi avec les 440 Hz. Les musiciens d'entre vous. Ou le piano, ou tous les instruments. Et maintenant, je vais être un petit moment silencieux pour que vous ressentez comment vous sentez. Vous observez simplement votre état, comment vous vous sentez en écoutant cette fréquence. Et après, je vais mettre en 432 Hz. Après, on va de nouveau faire la même chose. On va observer comment on se sent. Et après, je vais revenir en arrière à 440 Hz. Ça, c'est 432 Hz. Donc, vous avez peut-être à peine entendu la différence. Il y en a qui ont peut-être même pas entendu la différence. Mais ressentez comment vous sentez. Après, on refera le test avec un petit haut-parleur, peut-être. Mais vous verrez, il y en a beaucoup, ils vont le sentir. Mais maintenant, quand on va revenir en arrière, donc je vais retourner à 440, donc sentez comment vous sentez, et après. Sentez bien la différence, hein. Et qu'au début pas, mais quand on revient à... c'est un peu comme quand je vais remettre à 432 parce que ça nous irrite, hein. Ouais, ça c'est 432. Thank you. grand souvenir là quand je viens. Thank you.